Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Shel Talmy est un célèbre producteur de musique et auteur-compositeur américain, né en août 1937 et décédé en novembre 2024. Connu pour son travail avec de nombreux groupes anglais, tels que les Kings et les Who, au début de leur carrière. Né à Chicago en 1937, Shel Talmy fait ses études d'ingénieur du son à Los Angeles, où il va travailler pour la télévision et la radio, ainsi que pour les studios Conway. Au début des années 1960, il compose pour des artistes tels que Trini Lopez ou The Bachelors et devient producteur. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. En 1962, le producteur Nick Venett, apprenant que Shel Talmy va partir un mois en Angleterre, lui confie quelques enregistrements, dont le premier Beach Boys, bien qu'il n'ait pas travaillé dessus, pour qu'il démarche les labels britanniques. Decca est intéressé et le directeur artistique Dick Rose l'embauche comme producteur. Il faut dire que Shel Talmy arrive au bon moment, car les ingénieurs du son anglais étaient peu ou pas habitués à enregistrer tous ces nouveaux groupes qui allaient former cette scène musicale que l'on va appeler, vue des États-Unis, la British Invasion. Pour info, Dick Rove est pour l'éternité celui qui aura refusé les Beatles. Mais il s'est rattrapé en signant les Rolling Stones. En 1963, le premier coup d'éclat de Shel Talmy sera la production du troisième 45 tours des Kings, You Really Got Me. Les Kings est un groupe de la banlieue londonienne Muswell Hill, composé des frères Davis, Ray, chant et guitare, et Dave, guitare solo. Après quelques changements, le groupe se stabilise avec Mick Avery à la batterie et Peter Keefe à la basse. La première mouture de la composition de Ray Davis est plutôt jazz blues. Mais Dave, son frère, veut la dynamiter en tailladant l'enceinte de son ampli pour obtenir le riff et le son distordu que l'on connaît. Loin d'être choqué par le résultat, Shel Talmy l'encourage et enregistre ce brûlot qui sera considéré comme les prémices du hard rock. Le titre se retrouve en tête des hit-parades européens et américains et le premier 33 tours est rapidement enregistré avec de nouveaux tubes tels que All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. En 1964, le producteur reçoit de nombreuses sollicitations. Les Who, qui ont entendu You Really Got Me, le contacte pour lui faire écouter quelques maquettes. Shel-Talmy voit bien le potentiel de ces mods, originaires de Shepherd's Bush, autre banlieue de Londres, avec Roger Daltrey au chant, John Entwistle à la basse, Keith Moon à la batterie et Peter Townshend à la guitare et le compositeur de tous leurs tubes. Townshend ne s'en est jamais caché. Il s'est inspiré du son des Kings pour ses premières compositions et Shel-Talmy aux manettes, toujours ouvert aux expérimentations, accepte les distorsions et autres Larsen du guitariste. Sensation. I'm just talking about my generation. We all try to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. À partir de 1965, le son brut des premiers enregistrements s'étoffe d'arrangements plus sophistiqués, comme Sunny Afternoon des Kings, sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. trying to break me. And I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime. Girlfriends run up with my car. I'm gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Who the kids are right, they woo. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. Chel Talmy a l'honneur de superviser les débuts discographiques de David Jones, futur David Bowie, sous le nom des Manish Boys. Well, I pity the fool. I said I pity the fool. Said I pity the fool that falls in love with you and expects you to be true. I pity the fool. Écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. En 1966, le producteur américain continue ses explorations musicales en Angleterre et produit le chef-d'œuvre d'un groupe australien venu tenter sa chance à Londres, Friday on My Mind, par les Easy Beats, avec l'aide de l'ingénieur du son Glyn Johns, surtout connu par la suite pour avoir travaillé avec les Rolling Stones et les Beatles. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. À noter que le guitariste rythmique des Easy Beats, George Young, n'est autre que le frère de Malcolm et Angus, deux membres du groupe AC/DC, originaire de Sydney en Australie, et connu mondialement pour leur musique mélangeant rock, blues et hard rock. Suite à tous ses succès, en tant que producteur, Shel Talmy décide de créer le label Planet et signe le groupe Creation, dont le guitariste Eddie Phillips sera le premier à utiliser un archet de violon sur une guitare. Écoutons The Creations, Making Time. Everybody leaving. beaucoup d'autres artistes vont bénéficier de son talent de producteur, tels que Manfred Mann, Amen Corner, Lee Hazlewood, Nicky Hopkins, Roy Harper, Burt Jansch et Pentangle. Behind the front wheel, got my room beside me too. Hey baby, we're going out. Hey baby, we're going out. I don't mind the drizzling rain. Inside it is warm and dry. Hey baby, we're going out. Hey baby, we're going out. Die. Stopped on this old highway. Because baby, we must get out. No, baby, we must get out. And I don't mind telling you, girl, a policeman won't do us good. And a jailhouse will be the pound. A jailhouse will be the pound. So faster, baby, let's go. Après 16 années passées en Angleterre, Shel Talmy retourne vivre aux États-Unis et son nom reste associé à tout jamais à des centaines de disques qui le consacrent comme l'un des principaux artisans du British Sound et de l'essor du rock britannique dans le monde entier. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.